tomber Omega. Je courais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Omega. Mais mon dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit. Il a porté sur toutes tes maladies. Et c'est par ses mères qui sont que tu es guéri. Il a dit, il y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Il a dit, ce soir pour toi, je serai avec toi. Non, non, tu ne mourras pas. Il le dit ce soir, nous allons le chanter. Alpha Omega, comme une déclaration ce soir. Alléluia. Alpha. Alpha Omega. Déclare-le ce soir. Déclare-le. Quelle est cette chose qui te fait pleurer ce soir? Quelle est cette chose que tu ne sais pas partager avec qui que ce soit? Alpha. Oh, déclare-le ce soir. Oh. Alpha et Omega. Alpha. Alpha. Essuie tes larmes ce soir parce qu'il est là pour toi. Alléluia. Ce soir, il a une bonne parole pour toi. Amen. Il te dit qu'il est le commencement et la fin. Et Bandeli Pesuka. Alléluia. C'est dans cette atmosphère que j'aimerais demander à tous ceux qui sont venus ce soir avec Alléluia. N'importe quel problème. C'est dans votre corps, c'est rester chez vous à la maison. Quelqu'un malade, quelqu'un a besoin d'une intervention divine. Prenez juste votre main, mettez-la là où vous êtes malade. Ou si vous avez quelqu'un que vous avez laissé à la maison, ou quelqu'un que vous connaissez qui a besoin que Dieu fasse quelque chose. Alors si ce n'est pas vous, mettez votre main sur votre tête. Je ne sais pas si vous le croyez, mais moi je le crois. Le Dieu de la guérison est ici au milieu de nous pendant que nous prions. Il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sois guéri de ce problème cardiaque au nom de Jésus. Je refuse cette opération sur toi. Ça n'aura pas lieu au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri de ces maux de dos. Tu vas sortir d'ici en sautant et en courant. Sois guéri de ce rhumatisme au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir que ce qui te dérange dans le sang, dans les os, dans les muscles, au nom puissant de Jésus, ça te libère. Je déclare la guérison dans ton corps. Je déclare le miracle de Dieu dans ta maison. Ton frère, ta sœur, quelle que soit sa distance, en Afrique ou ailleurs, je déclare au moment où Dieu parle la guérison dans son corps, la visitation dans son foyer, la main de Dieu qui touche et qui transforme. Que tout ce qui te retenait te libère. Qu'au nom de Jésus, les forces du malin, la puissance de l'ennemi qui retenait ta vie, les songes bizarres que tu avais chaque nuit, poursuivis et menacés, ça s'arrête aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. Plus jamais tu ne seras menacé dans tes songes, plus jamais tu ne seras dérangé de nuit ou de jour, au nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri ce soir, tu es visité ce soir, tu es transformé ce soir.